Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Cinquième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى وضع؟ عندك. ما معنى الميزان؟ balance. الوزن الزائد الزائد الزائد الوزن الزائد c'est un surplus excepto on peut traduire par augmentation tout ça une augmente surplus augmente parce que ziyada c'est augmentation ايوه mais là c'est là ça y est me faire celui-là non ils sont proches ما لا يملأ ممكن نعم بطاقة بطاقة بطاقة ساس الكارت بهو صالة نعم صالة اتجه يتجه سجل سرور heureux, joie. نعم. حقائب. باليس. ما هو المفرد؟ قل سبيلين. تاس الجمع حقائب. قل المفرد. حقائب. حقيبة. حقيبة. طيب. Donc, les gars, aussi, on a appris comment faire ism fa'il d'un verbe, un soulafi d'un verbe à trois lettres. Déjà, sous quelle forme ? À la aywazm. Fa'ala fa'il. Fa'il. Allez, d'un coup, je vais la. Thomas Ali, corrige l'exercice. Kenan Yed. الثاني عندك نحن نحن معنا كتب نعم أنت معك كتب نعم أنت معك كتب أنتم معكم كتب أنتن معكن كتب هو معه كتب هي معها كتب هم معهم كتب كتب هن معهن كتب حبك الله يليك الله في حب الله ثم قلنا رابع كذا ونفي الثالث أخر نعم نعم يدفع 50 ريال يدفع 50 ريال أبا رجل رابع معي 50 ريال سويل بل كيف أفع طيب جمع الأولى ونخلص معي 90 ريال نعم معي 80 ريالا ما نقول عندي 90 ريالا ما كان عندي ما يلزم يكون معك الان سي با اوبليغاتوار تو لزم الان عندي سي با شي توازن بيت تو لزم دو بوزيسيون سي با دير كون تو لا معي الان سي كون comme la DIA, ça va venir. La DIKA, la DIKA KADA, la DIHI KADA, la DIHIM KADA. C'est une chose, c'est comme un indice, donc c'est le moment où tu parles, tu l'as avec toi. Donc ça ferait le sens de maï, un peu la DIA. Non. Alors, ça peut J'ai peur. Ça, allez. T'as fait laquelle, toi? Moi, j'ai fait la 2. Marie et Tamar. Okay. Maï, c'est Baou, la Rial. Maï, Soutou, Situl, Rial. Maï, Arbaoum, la Rial. Maï, Thalathoun, Rial. Maï, Khamsoun, la Rial. Khamis, elle écrit en les nombres en lettres. Que t'as dit, voilà. Ah, c'est le site. C'est la date, là. Non. Ketat? Non. Hat? Ah, c'est Ketat. Bon, la kin. T'as vu que t'avais oublié? Non, non. Que t'avais pas oublié, tu vois. L'arif, 20, je sais pas comment on disait 20. 20? Ouais. Je suis t'arrives à comprendre mon écriture. Hein. Je vais tout se passer par là. Et là, c'est le derf du khat. Et donc, on a un mohim. Un derf dans l'écriture, pour apprendre avec un 8, au fur et à mesure, comme c'est dans le douze. Parce que dans certains douze, t'as pas de. C'est pas édict où il va lentement, c'est il parle. Il y a même eu des bits. Sur l'avance, il faut que tu sois habitué à pouvoir écrire. Et une écriture qui soit lisible. Et ça, Chirirai, il incite beaucoup sur ça pour les débutants. Surtout pour lui, surtout il fait allusion aux Yéménites, parce que des frères sont des questions. Il dit ça, c'est pas ça, c'est illisible. Il dit aux frères, quand on voit des questions, on voit quelque chose de clair, de lisible. Vous voyez, mais il incite beaucoup à prendre des cours de Khot. D'apprendre les écritures. Il y a plusieurs khutut, il y a plusieurs écritures en langue arabe. Et la plus appropriée pour le toalim, pour qu'il écrive vite, quoi, c'est Roka'a. Elle s'appelle Khot Roka'a. C'est celle que tu vois, des fois tu la vois sur. C'est comme celle du Coran. Non, ça c'est. C'est Nasrat. Non, c'est celle que j'ai écrite. Celle-là, mais après quand tu vas commencer à écrire, tu écris un peu comme ça. Il y a plus rapide. Plus rapide. Donc là, c'est ça que je fais quand je vais au tableau un peu. Ah. Sauf que normalement, elle est encore plus. Voilà quoi. Il a dit que même des fois, c'est déjà arrivé qu'un savant se fasse critiquer pour son écriture. Ah. Ça lui fait perdre de sa notoriété. T'es un savant et tout, et quand t'arrives, t'écris, c'est des pattes de bouche. Ça passe pas. Il dit c'est déjà arrivé chez les anciens qu'un savant pour critiquer pour l'écriture. Donc il a dit que t'as même une écriture claire. Quand tu dis, tu vois. Donc vous encore ça, c'est normal, c'est le début. Donc au début c'est toujours fragile. Ouais. Justement, si tu arrives à la cible depuis le début, et à t'apprenais ça depuis le début, machallah. Tu fais des pages d'écriture. Le prof va te donner. Il y a des profs ici, des frères, ils te donnent des cours d'écriture. À part, tu prends un cahier, ils te la lettre, alif. Après chez toi t'écris alif, alif, alif, alif, alif, plein de fois. J'ai commencé à faire ça. Après tout le monde commence à enchaîner un alif avec un ha, un alif avec un ra, un ta avec un mim avec un ha. Si t'as un roka'a, c'est pas comme ça. T'as des enchaînements qui se font, si t'as pas appris, t'arriveras pas à lire. Mais quand tu sais lire toi, et quand t'écris, c'est fluide, c'est rapide, direct. Alors cette écriture-là, Nasra, pour écrire vite, c'est pas pratique. Elle est belle, elle est propre, mais quand tu veux écrire vite pendant l'heure, c'est que le prof y parle, ça là elle est pas pratique. Non. Une fois, Inch'Allah, on trouvera un frère qui saura donner un derf. Ça prend pas longtemps. C'est juste surtout de faire tout des pages à la maison. Moi, je le fais avec un jeune, un petit, un yéménite après la Récha. Je vais le voir lui, je lui donne mon cahier. Et il me fait ça. Et tu vois, c'est par des pages. En décalquant aussi. C'est une technique qu'on avait appris en décalquant. Tu prends un cahier qui est des pages transparentes. Une histoire pour avoir un support qui convienne, genre un cahier d'écriture, qui soit écrit en gros, en gras, tu puisses mettre ta feuille par-dessus, sur l'écriture, et tu fais comme sur le la feuille, et tu fais plusieurs lignes comme ça en décalquant, et après de toi-même tu le refais. Tu appuies ta main à le faire. Au début tu fais le kalem khat, c'est un stylo de calligraphie, propre pour l'écriture. Après on va le tenir, comment le faire tourner. Et si tu arrives à écrire avec ça, avec un stylo, après c'est direct. T'apprends toi à écrire du calligraphie en premier. C'est quoi ça? C'est un stylo qui ressemble un peu au stylo du Sabura, stylo de tableau, mais une mine comme ça. Tu vois, un peu petit. Par exemple, quand tu vas faire un roi, il va t'apprendre à prendre le stylo et à le faire tourner. Tu vois, un livre, il faut qu'il soit comme ça. Après le Hamza, tu prends le stylo et après, hop, ça tourne. Pour une épaisseur là, ici, plus fin. Et quand tu vas respecter ça, au début, c'est un. On ne demande pas d'écrire comme ça sur ton cahier. Mais si tu arrives à écrire comme ça, avec cette calligraphie de toi-même, et le stylo, tu vas écrire vite et propre. On va te donner le plus dur. Tu vois, parce que le plus dur, pour que tu arrives à faire, c'est plus facile après, de toi-même. C'est comme ça, juste une ligne comme ça, tu vois. Elle a fité au bout, et longue. Alors que le stylo, c'est une pointe, c'est une ligne. Il n'y a pas d'effet comme ça. ensuite, on avait dit ça vient. Hawil Jubal Atiata Kemaf Namouzaj. Donc, transforme la phrase suivante comme dans l'exemple. Là, il faut faire un ism fa'il. Akhir man kara'a. C'est lequel dans le dernier ? Attends, t'as le temps. Ana katabtu, ana katib. Non. Ana kara'atu. Ana qara'itu. Ana quoi? Qara. Non. Ana qari'itu. Qari. Qari. C'est tout? Ouais. Ah. Ana sharibtu. Ana sharib. Non. Ana hajaztu. Ana hajiz. Ana dakhaltu. Ana dakhil. Ana kharajtu. Ana kharij. أنا قدمت وأنا قادم أنا جلست أنا جليس جالس أنا دفعت أنا دافع أيوة وأنت طلبت أنت داود أنت طلبت أنت طالب طالب وهو علم هو هو عالم نعم quel que soit le la il n'y a pas une conjugaison particulière pour ça. Est-ce que ça soit si par exemple c'est antum. Parce que là, c'est ana mais antum ajna waw jama antum. Antum katibuna wa jam dhakar sam. Ou autre chose. Tout le pardon. Il y a différents pluriels. Salen. Parce que là, on a vu que ana. Je veux salen. Sarkozy kafara fawa. Kafir. Kafir. Le djem, c'est quoi? Kafirun. Kuffar. Kafara. Ça, c'est un nom. Aslama, le ism fa'il c'est quoi? Muslim. Muslim. De Aslama. Aslama. Et le mazdor c'est Islam. Tu vois? L'ism fa'il c'est Muslim. Aslama ça a le même sens que Salama. Là. Parce que. Salama c'est par exemple. Tu dis à un ennemi, salim nasek, rends-toi. Vous voyez? Et Aslim, c'est soumets-toi. C'est plus proche de ça. C'est proche. Vous voyez? C'est proche. Parce que là, dans le texte, après, non. Parce que tu peux te rendre, mais t'es pas soumis, t'es pas d'accord. Tu fais de malgré toi, tu vois. Alors que celui qui est Yuslim, c'est soumets et tout, et il accepte la chose. Surtout dans l'islam et Shah, tu vois. Dans la législation, l'islam. Je l'accepte. Thaminan, pour remplir les trous. Alim. Je mets le oula. وضع المسافر الحاكبة الحكيبة الحكيبة الحكيبة على الميزان. ثانيا اتجه المسافر إلى بهو إلى بهو السفر. نعم اتجه كلمة. ثالثا طلب الموظف موظف بطاقة موظف بطاقة فقال للمسافر المسافر البطاقة لو سمحت. نعم. رد المسافر فقال بكل سرور. نعم. من ألمس مسافر بطاقة. نعم. طيب. الآن سندخل في الوحدة الثانية. لا تزيد من يدي. طيب الدرس الرابع كثيمكو. Qui se rapporte au voyage en lui-même. Au début, c'était quoi? Les formalités de voyage. Maintenant, ça va être le départ. Le Mahmoud. Tant même. Al-Kalimat al-Jadida, le nouveau vocabulaire. Al-Khutoutu al-Jawiyya. Al-Khutoutu, à la base, c'est le pluriel de Khot. Khot. طيب ان خط سي ثبت لكتير كما قلت تعالى خط ركعه بعضهم في كتير ركعه خط نصفه في نصفه خط ثبت منين طيب ادخل قدر الحديث مثلا انه خطط خطوطا لابدلين ابي لابد تري en parallèle mais transversal de ce trait là il dit quand il a fait le trait il a dit ça c'est mon sentier. Sorti d'Allah plutôt, c'est un témoin. Après, à côté, il a fait des traits comme ça, en transversal. Il a dit, il a dit Khutut, il a dit Souboul, Fikouli Sabil, Shaitan. En fait, ce sont des. Comment ils appellent ça? Quand la rue. Des déviations. Et à chaque déviation, au bout de chaque déviation, t'as un Shaitan qui vous appelle. C'est-à-dire que l'islam, Tayyib, et la Tariqa du Nabi Salam, c'est un seul frère. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guidou sur le chemin droit, c'est un. Il n'a pas deux, il n'a pas trois, il n'a pas quatre. Il y en a un seul. Et après, il a fait des lignes transversales comme ça. Il a dit à chaque ligne, il y a un shaitan qui appelle les gens pour les faire dévier. Et sur le chemin droit, et après, bah, il dévie. Ça devient Hizbi. Ça devient Ikhwani. Ça devient Soufi. Bien qu'il y ait un Soufi petit Hizbi aussi. Et Ikhwani petit Hizbi, tu vois. Ça devient Tabiri. Ça devient Takfiri. Ça devient. Et à la finale, bah, t'as un seul chemin. Tu vois, et souvent les moins nombreux, c'est ceux qui sont. Et les plus nombreux, ils vont à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc dans le hadith, il a dit Khatta Khututan. Et il a fait une ligne. Et là, le Khutut, c'est les lignes aériennes. Jawiya, Jaw à la base, Jaw, c'est l'air extérieur. Jaw, tout seul, Jaw, c'est l'air extérieur. Donc là, il veut dire quoi? Les lignes aériennes. الخطوط الجوية الجوية جوية وجوة جوية regarde bien ce qu'il y a devant. Ouais, non, t'as la réponse. C'est quoi l'ligne aérienne? Non. Alors comme quel numéro? On peut dire compagnie aérienne aussi. Ouais. Hein? Ligne aérienne, compagnie aérienne. Ouais, non. Mais à la base, compagnie, c'est plus Chalika. Les khutut c'est les lignes en fait, mais eux ils veulent dire comme tu as dit. Hein. Alors, quand même, ça c'est numéro. Bawaba c'est les sas, les portes, les portails. Ça vient de Bab. Vous voyez, le Bawaba veut dire les portails d'embarquement, les sas d'embarquement. Musafir c'est le voyageur. C'est le ism fa'il de Safara Musafir. طيب صار اسم فاعل صعود هذا سي لا مونتي صعد يصعد Yassadou plutôt. La montée. Et ça, c'est un ism fa'il aussi. Ça, c'est un masdar. Un masdar. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la façon d'écrire. De quoi? Le masdar, parce que ce rôle, c'est la montée. Eh ouais, c'est pas monte. Hein. C'est pas celui qui monte. C'est pas celui qui monte, c'est l'action. Ça, c'est les. Mais pas les termes. A'lana yu'linu. Yu'linu. Non. Et le masdar, c'est i'lan. On va l'écrire. Ce qui veut dire annoncer. Annoncer? Non. Alana. Alana. Yolino. Yalanen. Yep. Yalanen. Non, Mazdar. Yalanen. Yep. Yorlino. Il n'y a pas de point, mais c'est un nom. Le nom Roka, il n'y a pas de point. Comme ça. Continue tout seul à la fin. Non. Marra, Yamourou. Passé, passé. Le mazdar, c'est mourour, mourour. Marra. Yamourou. Mourour. Après c'est un aïa, après c'est un mime ici. Marra yamourou mourouna. Samia yasma'ou. Vous connaissez. Ça veut dire quoi? Passé, passé. Passé. Marra. Le fait de passer. Mmh. Et comment tu veux dire le arbre? Mour. Mour. Mais ça se dit pas, ça on dit autre chose. Oui, mour. Mouchi. On ne dit pas sir, sir, sir. Sir, c'est plutôt avance. Seigneur, il est employé aussi. Samia Yasmaou, Marouf, qui veut dire entendre. Nidaan, ou Nidaou, ils n'ont pas mis en chanson. Istamara, c'est quoi ça, Istamara? C'est écouter. Ah, oui. C'est le fait de vouloir écouter. Et Samia, c'est entendre. Ah, oui. Nida'a. C'est un appel. Comme harf Nida, Ya Mohamed, c'est particule d'appel. Tawadjaha, Ya Tawadjahu, c'est le même sens que Ittajaha, Ya Tajir. Se diriger vers. Un mazal ou écrit Tawadjou. Ils l'ont écrit là. Sallama, yusallimu. Salut, est-ce que non? Non, mais là, c'est pas ça qu'ils veulent, malheureusement. Il y a le texte là, par entre Mahmoud et son copain, là, il y a plus salam alaikum. Là, il veut dire quoi? C'est le fait de donner quelque chose. Ça, je rendre quelque chose. C'est... En fait, les mots là, ils ont des... En fait, ils peuvent prendre n'importe quel sens selon le contexte de la phrase. Ouais, le sens peut changer en fonction de la phrase. Parce que des fois, aussi, on utilise le même verbe pour dire salut. Celle d'avant. Ah, ouais, c'est le même verbe. Mais il veut dire autre chose à la base aussi. Là, c'est donner, c'est ça? Ouais. Quelque chose, délivrer quelque chose. Mais à la base, on l'utilise pour saluer ça. Pas forcément. Il est souvent utilisé pour l'aide de données et tout ça aussi. Ça dépend en quelle circonstance tu es. C'est un truc que tu dois à quelqu'un. Renvoie le mot salam. Wazana yazino. Et maintenant c'est wazn. Wazana yazino, c'est peser. Vous voyez, wazana yazino. Et ça veut dire peser. Et wazn, on l'a écrit. Si on rappelle, ça veut dire poids. Et en fait, wazn, c'est le masdar de wazana. C'est le masdar. Et le am. Zin. Yazino. Dhabit, c'est un officier. Un dhabit, là, c'est un officier. Ça peut être un haut gradé de l'armée ou de la police ou quoi. Ou afshun, c'est les bagages, en fait. Tout ce que tu amènes avec toi quand tu es en voyage. Afsh. Ou ça peut être aussi les choses que tu laisses dans ta maison, les afaf. On peut aussi les appeler Arch. Maintenant, quand tu arrives ici, tu prends le car, le bus pour arriver à des matchs, tous tes bagages, il va te dire Arch, il va l'appeler Arch. Ça, c'est tous les bagages. Hein. Non, là, ce qu'il veut dire, c'est les bagages dans ce texte-là. Les bagages. Tayyib. Souma al-ibarat, bi mashiyatillah. Mashiya. C'est le mazan de Shah Yasha'u, qui est le fait, c'est la volonté d'Allah. Vous voyez, Bi, c'est Al-Fujar, Mashiya, c'est la volonté d'Allah, dans ce jalala ici. C'est connu. C'est par la volonté d'Allah, en fait, ça. Non, c'est dire, ouais, par la volonté d'Allah. Et Sha'av, c'est vouloir, ça. Bon. Et ça, c'est réservé pour Allah, ou c'est envers vous utiliser ça? Tu peux utiliser pour être très bon. C'est le même sens que Yurid. Yurid, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Il y a un hadith, Nabi Salam, il a dit quoi? Un rajul qu'on est là-haut. Elle est à Wadorou, mais le hum, elle renam. Est-ce que je fais l'odo de... après avoir mangé du bouton? Il a dit Inchita. Ça vient de Shah. Et bien, après, il dit à ta Wadorou, le hum, elle dit qu'elle est naam. Il dit est-ce que je fais l'odo avec la viande de chameau? Il dit oui. Donc, c'est là qu'on a eu l'obligation, parce que dans le premier, il dit si tu veux. Et l'autre dit oui. Voilà. Ça prouve que manger de la viande de chameau, c'est parmi les n'avoir que des lodos, ça met le lodo. Vous avez mangé du chameau? Ici, non, une fois. Ça doit être bon, ça, vraiment. J'ai pas trop distingué. Tu vois, pourquoi j'ai mangé, j'ai pas distingué que c'est vraiment une viande différente. Parce qu'on en mange tellement avant de la viande ici que, comme dans du mouton ou de la, du bœuf ou quoi, tu fais pas trop la différence. Mais si c'est bien cuisiné, quelqu'un y connaît, ça. Voilà, ce qui paraît ressemble à de la viande de gibier, mais j'ai pas ressenti. J'ai envie de manger. Je sais pas, tu trouves. Il y en a ici. Il y avait plein de chameaux qui passaient à une époque. Ici, des troupeaux de chameaux. Après, comment avait... Comme sauvage? Non, non, sauvage, non. Avec le roi, avec le berger. Taïeb. Man kara al-akhira, mara al-akhira. Qui c'est qui a lu le petit texte la dernière fois? C'était lui. طيب اليوم لك تفضل أراد محمود السفارة إلى الرياض فحضر إلى بحو السفارة. Ok, on va traduire. Arada, c'est Mahmoud a voulu voyager à Riyad, donc il s'est rendu à la salle de voyage. فحضر se rendre. Non. وسلم الموظف جواز سفره وتذكرته. Donc il donna à l'employé son passeport et son billet. ثم وزن حقائبه ودفع 50 دولارا قيمة. Ils n'ont pas mis dans le truc قيمة, c'est la valeur. Ils n'ont pas mis dans le vocabulaire. Comme on l'a dit, ce petit texte-là, c'est le texte qui se rapporte à la conversation qu'il y a eu par avant entre Mahmoud et Mouazzaf. Il y a un nouveau, c'est juste l'aide de compte, en résumé. Naam. قيمات العرش العرش العرش زايد زايد. Donc il a dit, ensuite il posa ses valises et paya 50 dollars pour l'excès de poids de ses valises, de ses bagages. زايد الاكسر شرطي. نعم. Mais le climat, c'est valable pour une maison, n'importe quoi, le prix. Une chose qui est valable. Ça, on souffle et comprend le prix. Bah. Ouais, mais l'on ne peut pas comme ça. Mais on peut comment? On dirait Femen Siaf. Femen. Je peux dire, ma climat, hein? Parce qu'un climat, une valeur, c'est pas forcément un prix. Tu dis, elle, hada, quel climat, tout, il veut dire, climat, quel pays, une grosse valeur. Il n'y a pas forcément te dire un chiffre. Tu vois? Tu dis, quel siaf, hada, elle te donne le chiffre direct. Quand si elle met le prix de ça, il va dire 50, 70, 70, 1000. C'est quoi Sia. Ça veut dire que c'est le prix. Non. Comme si elle, quand tu dis ça, c'est quoi son prix? Combien son prix? Voici. Thumma tasallama. Thumma tasallamu. Tasallamu. Tasallama. Mardi. Mardi, quoi? Là, c'est une question, c'est, il compte. Donc, c'est que où hein? Je crois que c'était Salama, en fait. Thumma tasallama bitaqatil mu'adarati wa balaha. Ensuite, il reçut la carte de départ et l'a rempli. Thumma marra ala dabiti jawazati wa ba'i. وبعد ذلك توجه الى بحر المسافرين. Ensuite il passa par l'officier des passeports et ensuite après cela il se dirigea vers la salle des voyageurs. Pourquoi ils mettent pas toutes les lettres, les vocalisations? Parce que moi je sais pas toujours si c'est que ça. De quoi? Moi je sais pas, par exemple, je sais pas si c'est Baroud, Barid, je sais pas. Barda. C'est pas dans cette année, on se met depuis le début. Le jour, parce que les couteaux, en général, il n'y a pas de harakat. Non. C'est l'origine dans les livres, c'est qu'il n'y a pas de harakat. Ça, après, ils ont oublié le livre, la Jawazat. Jawazat. Ah, ils ont oublié un livre, ça. Non. On va rajouter. Devoir d'imprimer, je crois. Voici. وبعد ساعة سمع النداء نداء سمع النداء سمع سمع النداء سمع النداء التالي التالي. Donc après, au bout d'une heure, il entendit, voyez, l'appel suivant. Sachez qu'également en arabe, ça, c'est pas forcément une heure, ça peut être un laps de temps. Voyez. Par exemple, les hadiths, eux, à l'époque, ils n'avaient pas de montre. Ils n'avaient pas. Sa'a, c'est pas forcément 60 minutes. Comme à notre époque, comme le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a dit qu'on tourne en disant le Nabi à la Hima. Vous voyez, quand il y a Mu'adh, il a tout la veille qui est Rasulullah. Ensuite, quand il y a Mu'adh Sa'a, en fait, il dit quoi? Il était à l'arrière, en train de chevaucher avec le Nabi, avec le Prophète, sur un âne. En fait, il a appelé, il y a Mu'adh. Il dit la paix qu'il y a sur Allah, c'est-à-dire je réponds ton appel. Sa'ayadak, c'est ça qu'il doit, Sa'ayadak. Ensuite, il dit, comme Sa'a, c'est pas une heure qui est passée, il m'a rien dit. C'est il y a eu un temps en fait. Là, ce temps qui s'est passé, il a rien dit, après il a rappelé. Il y a Mu'adh, il a redit la paix qu'il y a sur Allah, ou Sa'ayadak. Après, il a dit, Sa'a. Après, une troisième fois, le Sa'a, il a dit, il y a Mu'adh. Et Mu'adh lui a dit, Ya Rabbi Ya Rasulallah. Après il a dit, Etadri, Mahakullah ala l'Ibad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le hadith, que vous connaissez. Donc il dit, Marasa'a, une heure est passée. En fait, on croirait. Mais si tu ne connais pas le vrai sens, tu vas dire, il y a une heure, en fait. Bon, ça, il l'appelle, il dit, Ya Mu'adh, non, mais pendant une heure, il dit pas rien. Tu ne vas pas comprendre. Et c'est pas une heure qu'il veut dire, c'est un temps qui s'est passé. C'est comme le hadith de la Sa'a du Jumu'ah. C'est pas une heure, c'est un temps. Quand je mourrai, il y a un temps où je mourrai. C'est-à-dire que tu fais le dua, Allah est sajib lak. C'est pas une heure genre 30 minutes, c'est rien à temps pour le jumu'a. Vous voyez ? Non. Mais à notre époque maintenant, dans le style al-hadith, de nouvelles technologies, ça a fait une heure, 30 minutes, comme on la connaît. Mais dans les hadiths, on ne peut pas avoir. C'est mouta, c'est comme un mouta. Voilà. L'ahda ou. Non. Et t'as dit après, donc après une heure, il entendit l'appel suivant. Et t'as dit, c'est-à-dire suivant. Tu'alinu al-khutut arabiyatu saoudiyatu an qiyami rihlatiha raqam. Raqam kam? Raqam 90. La. 10. Allez, arabe histoire. Non, tu sens. Tu sais, c'est un mot d'un filet. Ah ouais, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu sais. Ah, c'est tu طيب علامات والنوس انونس طيب عن قيام en fait c'est que le vol va partir طيب رحلتها le vol رقم 90 du vol numéro 90 قيام c'est l'arrivée quoi là en fait là ça ne pourrait pas le traduire c'est en fait on dirait directement l'annonce son vol mais quand on dit un قيام ça va se faire là طيب comme quand قام دي صلاة طيب c'est-à-dire que la صلاة va se faire là les proches. La prière, ça devient du verbe quand même. Voici. Wamutajirati bimashiatil bimashiatil ila riyad. Non. Wamutajirati, là, ça revient à quoi? Rihla. C'est le vol se dirigeant par la volonté d'Allah à riyad. En fait, c'est le refil enchaîné, on a coupé l'autre. Et ça veut dire la phrase. طيب تورين الخطوط العربية والسعودية عن قيام رحلتها رقم 90 المتجهة اسمها كوا رحلة طيب صفة رحلة بمشيئة الله إلى الرياض طيب c'est que les ministères de Saoudie vous annoncent طيب le départ du vol 90 se dirigeant par la volonté d'Allah vers Riyad. Alors tu vois les خطوط السعوديennes et ben الحمد لله font appel à Allah il va chier là, je le dis. Depuis le début du texte, c'est un petit peu, tu vois. Non, sur l'Égypteur aussi, ils font des doigts et tout. Après, tu vois. Moi, je parle dans le Kitab. Depuis le début, tu vois, ils disent rien. Le Mouazaf, il dit rien. Vous voyez. Ça dit quoi, là. Et puis là, par contre, pour rentrer un vol, ils le disent. Alhamdulillah. Vous voyez. Donc, les voyageurs doivent se diriger en vitesse vers le vol. Donc, du moins, les voyageurs de ce vol, passagers de ce vol, doivent se diriger en vitesse. Il a bawati. Vers les portails de sortie, ou sas de sortie, Rome Salafa, numéro 3, Disroud et Toyra, pour monter dans l'avion, pour l'embarquement en fait. En fait, on dirait pour l'embarquement dans l'avion. Et Tawajur, il est souvent utilisé sur la toute Tawajur. Souvent utilisé sur la toute Tawajur. Sur la toute Tawajur. Là. Dépêche-toi vite. Voilà. Là, c'est le facile. Ça, c'est quand ils vont essayer de faire des bonnes formules que les couffards sur l'arabe. On peut mettre comme ça, quoi. Sinon, non, ce n'est pas une date qu'ils ont. Comme je le dis, ce livre-là, c'est les formules vraiment de d'échange entre les gens, sur qui ne se connaissent pas ou quoi, de politesse d'après eux, tu vois. Mais en vrai, tu vas parler comme ça aujourd'hui, les gens ils vont dire tu vas pas trop dire que tu parles comme ça, c'est pas ça. Même le chien, on parle comme ça. Tu vois. Alors la même, on parle comme ça, pourquoi ? Là, c'est des trucs, on a le langage commercial. Vous voyez ? Clientèle. Non. Donc réponds question suivante. Alors c'est Kounir Adin. On lit les questions pour être sûr que vous avez compris. Et ce qu'on va faire pour demain. Maada sallama Mahmoudun al Muwazzaf. Qu'est-ce que Mahmoud, vous voyez, a donné, a livré? Sallama, ça veut dire livré aussi, Maada. C'est pouvoir être, pouvoir dire livré aussi. Vous voyez? Mais là, il veut dire donner. Maada sallama Mahmoudun al Muwazzaf. Qu'est-ce que Mahmoud a donné à l'employé? Ah voilà. Thanien, Maada wazana Mahmoudun. Qu'est-ce que Mahmoud a pesé? ثالثا كم دفع للوزن الزائد combien a-t-il payé pour l'excès de poids, le surplus de poids. رابعا ماذا أعلنت خطوط السعودية qu'est-ce que les lignes aériennes les lignes saoudiennes ont annoncé. أعلنت c'est quoi ça خامسا إلى أين تتجه en quelle direction, quelle est la direction du vol 90 et où se dirige-t-il. Sadisan, ماذا طلب الموظف من المسافرين qu'est-ce que l'employé a désiré des voyageurs. Sabian, ما رقم بوابة الخروج quel est le numéro des portails de sortie, des sas de sortie. ثامنا لماذا يتوجه المسافرون الى بوابة الخروج pourquoi est-ce que les passagers se dirigent vers les portails de sortie. والأجوبة كلها في النص les réponses sont dans le texte. مفهوم الأسئلة داود نعم ثانيا املا الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة بما يلي. Donc répond ou remplit les trous, les vides, taillez les phrases suivantes en utilisant, en choisissant le mot qui correspond parmi ceux qui suivent. Le premier mot, al-tawajjuh. Ça c'est le mensonge tawajja. Al-ashf, le bagage. Samia, entendre. Dhabit, officier. Première phrase, wada'a al-musafiru, summa talbid, al-mizan. Donc le passager ou le voyageur a posé quelque chose, voyez, sur la balance. Fa'indien, fahassa, un nouveau verbe. Fahassa, c'est examiner, analyser, contrôler. Par exemple, un farsdem, c'est une prise de sang, une analyse de sang, sanguine. Analyser, contrôler, examiner. Fahassa, il y a une montagne. Hein? Fahassa yafhasu. Vous voyez, donc fahassa, vous voyez, un trou, al-jawazat, al-jawaz. Donc attention, regardez le jawazat, il a un kasra. Donc demandez-vous pourquoi. Il a donné un mot qui lui donne un kasra. Donc trouvez le mot qui correspond et c'est pas facile de ça. Salifan, t'as un trou, ensuite, al-musafiroun, al-nida'a. Donc les passagers ont quelque chose l'appel. Rabi'an, ala al-musafirin sul'at, trop, il est bawabati khuruj. Donc les passagers doivent quelque chose en vitesse vers les portails de sortie. Je pense que c'est clair, facile. Tamam? Andakoum souhait? ما عندك؟ طيب بس أنا أقف هنا ونقول الحمد لله رب العالمين